نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous allons voir quelques notions, quelques règles concernant les bases mêmes de la religion musulmane. Des questions très importantes pour être sur la droiture et suivre convenablement le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. الإسلام دين الاتباع لا دين الابتداع لا دين الابتداع c'est-à-dire l'islam c'est la religion du suivi et non pas la religion de l'innovation. L'islam, c'est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah a créé pour ses créatures, ses serviteurs, et c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des prophètes et messagers, Muhammad alayhi salatu wa salam. Tous les prophètes et tous les messagers ont été envoyés avec l'islam. Et leur a été révélé l'islam. Et ils ont prêché l'islam. Et ceux qui les ont suivis parmi leur peuple étaient musulmans. Dans le sens général du terme islam. Tout prophète a été envoyé pour inviter son peuple à n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala et d'écouter et d'obéir et de suivre le prophète et le messager qui a été envoyé. Chaque prophète fut envoyé précisément pour son peuple. Et une des spécificités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lui a été envoyé vers tous les mondes, les djinns et les hommes de toute la terre. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit U'titu sittan lam yu'tahunna nabiyyun min qabl min qabli wa minha qala alayhi salatu wa salam wa kana an-nabiyyu yub'athu fi qawmihi khaffa وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il m'a été donné 6 choses qui n'ont pas été données à un prophète avant moi. Et il cita parmi ces choses, et le prophète était envoyé spécialement pour son peuple, et moi j'ai été envoyé vers tous les gens. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde vers les mondes. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dis ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah vers vous tous. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous t'avons envoyé vers tous les gens comme annonciateur et avertisseur. Donc, lorsqu'on parle de la dernière des communautés, le premier à avoir appelé à l'islam, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on parle de toute l'humanité, le premier prophète, c'était Adam alayhi salam. Et il était sur l'islam. Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, kulluhum, tous les prophètes, qu'on connaît leur nom ou on ne connaît pas leur nom, car on ne connaît pas le nom de tous les prophètes et messagers. Car Allah nous a cité certains et nous a pas cité d'autres. Subhanahu wa ta'ala. Et tous, ils étaient sur la même religion. Ce qui changeait, c'était certaines législations, certaines lois dans la religion. Dans des choses qui sont licites, des choses qui sont illicites. Mais la base même de la religion, c'est la même. L'adoration n'est due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les livres et a envoyé des prophètes et des messagers, ce n'est pas par hasard. Mais pour que les gens aient un guide pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme lui nous le demande. Et de ce fait, on ne peut rajouter quelque chose ni inventer. Sinon, elle était où l'utilité de faire descendre les livres et d'envoyer des prophètes. Et que le prophète enseigne à leur peuple. Si chacun pouvait inventer dans la religion, si chacun pouvait amener ce qu'il veut dans la religion, elle était où l'utilité d'envoyer des prophètes. Mais cela, ça entre dans le travail de Shaytan. Car on s'éloigne de la droiture et de la vérité par deux moyens. Les gens, il y en a qui ont de l'excès dans l'adoration, dans la religion, et qui ont de la dureté. Et ceux-là, ils sont piégés par quoi ? Par l'ambiguïté. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont négligents, qui sont laxistes, feignants, qui délaissent des préceptes. Et ces gens-là sont piégés par quoi ? Par le désir, la tentation et le plaisir. Donc les premiers, ils en arrivent à s'éloigner de la droiture par leur mauvaise compréhension des textes religieux. Et ils viennent à les interpréter. Une interprétation qui n'est pas convenable. Et donc ils s'éloignent de la droiture par cela. Et les autres, eh ben, ils sombrent dans les péchés et dans les désobéissances. Et les premiers sont pires que les seconds auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui est négligent, qui tombe dans les péchés, même si c'est un mal, mais au fond, il sait qu'il est en train de faire des péchés. Il sait que ce qu'il fait est mal. Et c'est pour cela que lorsqu'il est croyant et il écoute une exhortation, il est touché par cette exhortation. Et il sait qu'il est dans l'erreur. L'autre, qui est dans les ambiguïtés, il pense être sur la droiture. Il pense être sur la vérité. Et il est acharné à propager son idée en pensant que c'est la vérité. Donc lorsque tu lui parles, pour lui, ce que tu dis est faux. Et c'est pour cela qu'il ne l'adapte pas. Donc le premier est pire que le second. Et c'est pour cela que parmi les salaf, les plus prédécesseurs, ils disaient que la bid'a est plus aimée auprès de Shaytan que le péché. Car du péché, on s'en repent, mais pas de l'innovation. Car celui qui fait l'innovation pense qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cet acte. Alors qu'en réalité, il ne fait que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pécheur, il sait qu'il est en train de s'éloigner d'Allah. Il sait qu'il est loin d'Allah. Et c'est pour cela qu'il se repent de son mal. Mais le premier, de quoi voulez-vous qu'il se repente? Il pense être dans la droiture. Il pense être dans l'obéissance. Il pense se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que vous remarquerez que lorsque vous reprochez à quelqu'un, souvent, le péché, il comprend. Mais lorsque vous reprochez la bid'a, l'innovation de quelqu'un, il ne comprend pas. Qu'est-ce que tu lui reproches? Il pense que tu veux lui interdire une bonne action. Et ça, on le voit, on le vit. Hein, tu dis à quelqu'un, hein, par exemple, il y a des gens dans certains pays où l'adhan, ils n'arrêtent pas l'adhan là où, nous, où normalement on doit l'arrêter. Le mot adhan, à voix haute, avec les haut-parleurs, lorsqu'il a dit la ilaha illallah, la fin de l'adhan, il rajoute la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que les gens prennent l'habitude que c'est la suite de l'adhan. Et ça, c'est une innovation. Les mu'adhdhin de l'époque du prophète, ça ne le faisait pas. Et le prophète ne l'a pas enseigné comme ça. Eh bien, des gens, tu leur fais ce reproche, qu'est-ce qu'ils disent? Et pourquoi il loue le mal de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne comprend pas. Pour lui, il croit que tu veux lui interdire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Quelqu'un, tu lui dis par exemple de penser que lever les mains pour telle invocation à tel moment précis, ce n'est pas demandé. Lui, il comprend quoi? Mais comment ça, tu m'interdis de lever les mains? Je ne t'interdis pas de lever les mains, seulement de préciser un temps bien précis où il n'est pas rapporté qu'il faut lever les mains, ce n'est pas à faire. Il t'est demandé de suivre et de ne pas innover. En religion, tu fais ce qu'on te demande. Et tu ne fais pas les choses que toi, tu as envie de faire de toi-même. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Dans ce verset, Allah nous dit dans le sens du verset, dit voici mon chemin, voici ma voie. Allah parle à qui? À son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ma voie, voilà mon chemin. J'y appelle vers cette voie à Allah. Sur une clairvoyance, sur un savoir, avec connaissance. Moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui me suivent. Ceux qui suivent qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui appellent au chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, le chemin sur lequel était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète alayhi sallam lui-même, ainsi que ceux qui le suivent. Ceux qui ne suivent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'appellent pas au droit chemin, n'appellent pas à la droiture, mais ils appellent à d'autres chemins qui ne sont pas le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ana wa man ittaba'ani. Moi et celui ou ceux qui me suivent. وقال تعالى في أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Alors comment on traduirait le début? Récite. D'accord, hein? On ne revient pas dessus. Récite au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillou de sang. Récite, et ton Seigneur est le plus généreux. Celui qui a enseigné avec la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Voilà. Vous avez vu la réponse ? Dans ce domaine-là, tu ne savais pas. C'est qui nous enseigne? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. en nous envoyant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en nous révélant son livre. Qu'Allah dit, allama al-insana ma lam ya'lam, tu ne savais pas. Et là on voit bien que la porte est bien fermée. Tu ne sais pas, tu ne mets rien dans la religion. Tu ne prétends rien dans la religion. Tu apprends ce qu'Allah a révélé, l'enseignement d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tu mets en pratique cet enseignement. Et non pas tu ramènes quelque chose de toi-même, ou alors tu le prends de quelqu'un qui l'a ramené de lui-même, et ainsi de suite. De même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas qui lui enseignait. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et il t'a enseigné à toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et les bienfaits d'Allah sur toi sont énormes. Et Allah dit dans le verset, مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Tu ne savais pas quel est le livre ou la foi, tu ne le savais pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, vous le connaissez, un grand compagnon. Avant l'islam, il ne voulait pas adorer les divinités en dehors d'Allah, les statues, les idoles que les gens adoraient, lui ne voulait pas. Mais il cherchait comment adorer le véritable Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'avait pas de savoir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait la nuit. Et il tombait en prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque fut envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut envoyé, il a envoyé son frère. Et il lui a dit, va à la Mecque et ramène-moi des informations sur cet homme qui se dit prophète. Et son frère est revenu, il lui a dit, cet homme appelle à l'adoration d'un seul Dieu. Et il lui a donné d'autres informations. Et Abu Dharr, pour plus se rassurer, il préféra aller de lui-même. Et il alla à la Mecque, à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demanda ce à quoi il appelle. Lorsqu'il a entendu la réponse, il a fait la shahada et il est rentré dans l'islam. Plus tard, quand il racontait son histoire aux compagnons, ils lui ont dit, mais en quelle direction tu te prosternais? Il a dit, là où Allah il me dirigeait. Il ne savait pas. Mais avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su adorer Allah convenablement. Mais avant cela, il ne savait pas. Il voulait, mais il ne savait pas. Regardez le récit très beau de Salman al-Farisi. Salman le persan, radiallahu anhu. C'était un mage, un adorateur du feu. Son père était même un responsable pour garder le feu. Et il a trouvé un monastère où il y avait des chrétiens. Son récit, il est connu, il est long, il est parti les voir, il a aimé la religion chrétienne. Puis il leur a demandé de l'emmener en Palestine. Il est parti en Palestine. Et il est resté avec le grand des prêtres de l'époque. Puis, après, il a bougé de prêtre en prêtre. À chaque fois que l'un décédait, il lui demandait, Salman, avant de décéder, vers qui tu m'envoies? Il lui dit, va vers un tel, car il est sur la droiture. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier. Et il lui dit, vers qui tu m'envoies? Il lui a dit, il n'y a plus personne sur le droit chemin aujourd'hui. Mais va vers l'Arabie, car de là-bas sortira le dernier des prophètes. Et il lui a donné les signes. Il lui a dit, c'est un homme qui va émigrer vers une ville avec des vallées, des palmeraies. Il lui a donné la description de Médine. Ils l'avaient dans leur livre sacré, la description. Et que le dernier prophète émigrera. Il le savait, subhanallah. c'est une des raisons que à Médine, il y avait des tribus juives qui habitaient. Banu Nadir, wa Banu Qurayza, wa Banu Qaynuqa. Et à l'origine, les historiens disent que ce sont des tribus juives venant du Yémen, depuis de longues dates. Et ils ont choisi cette ville qui s'appelait à l'ancien temps Yathrib, parce qu'ils l'ont reconnue comme étant la description dans leur livre sacré. Subhanallah. Quand ils l'ont vu, ils ont dit ça, ça sera la ville, la demeure de l'exil du dernier des prophètes. Et il lui a dit donc, il lui a donné la description. Et il lui a dit, c'est un homme qui accepte le cadeau, mais qui n'accepte pas la sadaqa. Et il a le sceau de la prophétie sur son omoplate, au-dessus de son dos, en bas de son épaule. Alayhi salatu wa salam. Al-Muhim, Allah a facilité à Salman al-Farisi pour qu'il atteigne Médine. Et lorsqu'il était à Médine, il a entendu la venue, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a rassemblé des dattes dans un panier, et il est parti un soir. Et il lui a dit, ça c'est un cadeau. Et il regarde ce qui se passe. Et il voit le prophète en manger et en donner à ses compagnons. Il dit, voilà déjà le premier signe. Une autre fois, à une autre occasion, il a repris des dattes dans un panier, et il est venu, et il lui a dit, ça c'est une sadaqa. C'est une aumône. Et le prophète a pris le panier, et il l'a donné à ses compagnons. Mais lui, il ne l'a pas touché. Il a dit, voilà le deuxième signe. Et un jour, il s'est dit, il faut que j'aille voir le sceau de la prophétie. Et c'était à un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti enterrer un des musulmans dans le cimetière de l'Baqia. Et il tournait autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que l'homme voulait voir le sceau de la prophétie. Et il lui a dit, c'est le sceau de la prophétie que tu veux voir? Il lui a dit oui. Et il a baissé son vêtement et il l'a vu derrière son dos. Et il s'est empressé de tomber dessus pour l'embrasser. Et il est entré dans l'islam, radiallahu ta'ala anhu. Regarde cette recherche. Il sait qu'il faut adorer qu'un seul Dieu, mais il ne sait pas comment. Mais avec la révélation et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a su comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez un des dix compagnons promus au paradis? Il s'appelle Saïd ibn Zayd, radiallahu anhu. Saïd ibn Zayd, radiallahu anhu. Saïd ibn Zayd, son père, s'appelle Zayd. Son nom, Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Et cet homme-là, avant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il venait à la Mecque, devant la Kaaba, et il disait à Quraysh que ce n'est pas bien d'adorer des divinités en dehors d'Allah. Il faut adorer qu'un seul Dieu, le véritable Dieu, c'est Allah. Tout cela, c'est pas bon. Son peuple l'a rejeté, lui ont fait du mal, jusqu'à qu'il a désespéré en eux. Et il les a délaissés. Et il est parti à la recherche des gens du livre. Parce qu'il s'est dit que eux ont la connaissance du livre. Et il va les questionner sur la voie sur laquelle était Ibrahim, alayhi salam. La voie du monothéisme pur. Et il est parti voir les juifs. Et il leur a dit, dirigez-moi vers le chemin de Ibrahim alayhi salam. Ils lui ont dit, les rabbins, les savants juifs, lui ont dit, si tu cherches un chemin dans lequel il y a la colère d'Allah, suis-nous. Ils ont témoigné comme quoi leur chemin est dedans, il y a quoi? La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit, mais moi, à l'origine, j'ai fui la colère d'Allah. Si j'ai quitté la Mecque, c'est pour fuir la colère d'Allah, je ne voulais pas rester. Il est parti voir les chrétiens. Et il leur a dit, dirigez-moi vers la voie de Ibrahim alayhi salam. Ils lui ont dit, il n'y a plus grand monde sur ce chemin au jour d'aujourd'hui. Mais va à la Mecque, car on sent que c'est le moment de la sortie du dernier des prophètes. Et il est parti. Quraysh ont appris qu'il arrivait, il allait revenir. Et pour ne pas qu'ils reviennent leur rappeler ce qu'ils leur disaient auparavant, ils ont envoyé des gens pour l'assassiner. Et il fut assassiné, rahimahullah. Allah, tabaraka wa ta'ala, informa son prophète Mohammed, sallam, de ce qui est arrivé à cet homme. Et il a dit, alayhi sallatu wa sallam, yub'athu yawm al-qiyamati ummatan wahda. Cet homme sera ressuscité le jugement dernier, l'équivalent d'une communauté entière. Pourquoi ? Cet homme cherchait à quoi ? Cherchait comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'il n'y a pas d'autre qu'Allah. Mais comment l'adorer, il ne sait pas. Il a la recherche. Le prophète Mohammed, on a vu, c'est Allah qui lui a enseigné. Il n'a jamais accepté l'adoration d'autre qu'Allah. Depuis son enfance, jamais il a adoré autre qu'Allah. Mais il ne savait pas comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il lui a atteint 40 ans, il s'isolait. Il allait dans la grotte de Hira. Et pendant des nuits et des jours, il méditait sur la création. Jusqu'à qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui envoya Jibril alayhi salam avec la révélation. Et avec la révélation, il a su comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah lui a enseigné subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que, comme a dit le prophète, kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né, il naît sur la saine nature. Fa'abawahu yuhawidanihi ou yunassiranihi ou yumajisanihi. C'est ses parents qui font de lui soit un juif, soit un chrétien ou soit un mage. Al-fitra, la saine nature, c'est-à-dire que la personne, elle est comme Allah l'a créé, avant qu'elle soit corrompue par des idéologies, par une éducation, par un entourage, par un milieu, et ainsi de suite. Le fitra fait que la personne, elle est prédisposée. C'est-à-dire qu'une personne qui a le fitra acceptera la vérité, sans la rejeter. Parce que c'est le haq, il est clair. Mais les gens en arrivent à discuter la vérité, à rejeter la vérité à cause de quoi ? C'est qu'ils n'ont plus leur fitra comme elle est à la base. Mais cette fitra est corrompue. Donc, il y a des choses qui se font mélanger avec sa fitra, et c'est ces choses qui font que la personne, soit elle rejette, soit elle a du mal à accepter, et ainsi de suite. Donc la fitra à elle seule ne suffit pas pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Elle fait de toi quelqu'un de prédisposé. Mais après, il faut quoi ? Il faut la lumière de la révélation qui vient te guider ton chemin et te montrer le chemin qu'il faut suivre, te tracer ta voie. C'est comme les yeux. Quelqu'un qui voit, c'est-à-dire qu'il est prédisposé à voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il va voir tout le temps. Deux jours, il voit, pourquoi ? Parce qu'il y a le soleil. Mais dans la nuit sombre, il ne voit rien. Et il a besoin de l'éclairage. Tu es prédisposé à voir, mais dans le noir, tu ne vois rien. Alors que tu as les yeux. Ça veut dire que tu es prédisposé à la vue, mais il te faut la lumière. La lumière du soleil, la lumière du jour, la lumière des lampes, il te faut la lumière pour voir. Alors qu'un aveugle, qu'il fasse jour ou nuit, que la lumière soit allumée ou éteinte, il ne voit pas. Il n'est pas prédisposé à voir. Est-ce que vous avez compris ? Il n'est pas prédisposé à voir. Tayyib. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Dans le sens du verset, des messagers, annonciateurs et avertisseurs, donc des messagers envoyés comme annonciateurs et avertisseurs, pour pas que les gens aient une quelconque excuse auprès d'Allah après l'envoi des messagers. Donc, les messagers, c'est pour te montrer le chemin. C'est pour te montrer le chemin qu'il faut suivre pour gagner la bonne nouvelle. Annonciateur, l'annonce, du paradis pour ceux qui vont œuvrer de telle ou telle manière. Ils t'avertissent contre ce qui amène en enfer et dans la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'envoi des messagers n'est pas dû au hasard. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Dans le sens du verset est nous ne châtirons pas jusqu'à qu'on ait envoyé un messager. Les gens soient quand même avertis. Les gens soient avertis. Donc c'est bien la preuve que la personne à elle-même elle ne peut adorer Allah comme Allah nous le demande. Subhanahu wa ta'ala. Mais que dire alors pour des gens qui ont le livre sacré préservé, Al-Qur'an, qui est la lumière, et qui ont les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam compilés. On a la lumière à côté de nous. On a les preuves de la droiture à côté de nous. Et il y en a qui vont inventer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on parle de gens qui n'avaient rien à côté d'eux. Ils ne savaient pas. On est moins excusable que ces gens, subhanallah. On a la clé de la réussite à côté de nous et on est en train de chercher d'autres clés. Des clés qu'on ne trouvera jamais puisqu'elles n'existent pas. Puisqu'elles n'existent pas. Allah n'a pas donné aux gens deux chemins. Ni 10 chemins, mais un seul chemin. Celui sur lequel était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَالنَّاسُ ثَلَافَةُ أَصْنَافِ. Les gens sont de 3 catégories. مُنْعَمٌ عَلَيْهِمْ ومغضوب عليهم وضالون. Ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les gens de la réussite, les gens du succès. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui sont égarés. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate Al-Fatiha, la première sourate qu'on retrouve dans le Coran, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit à la fin de cette sourate, Ihdina al-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. C'est-à-dire que la personne dans ses prières, dans chaque rak'a, qu'il fait, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Ça, c'est pour celui vraiment qui médite ce qu'il récite. Hein? Vous êtes en prière, alhamdoulilah, vous êtes des musulmans. Vous priez, vous êtes des musulmans. Mais dans chaque rak'a, tu demandes à Allah de te guider. Il faut le méditer, ça. Ihdina al-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. C'est lequel ce droit chemin? صراط الذين أنعمت عليهم. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ah, c'est qui ceux qu'Allah a comblés de tes bienfaits? Puisqu'on demande à Allah de nous guider vers ce chemin-là. Le chemin de ceux qui ont gagné la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va dans un autre verset coranique où Allah il dit ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, voilà ceux qui seront avec ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie. Voilà ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, ce sont les gens du succès et de la réussite. Et ce sont les gens qui ont appris et qui ont mis en pratique. Ils ont rassemblé entre le savoir et l'application. Car le savoir précède toujours l'action. Avant d'agir, tu apprends la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et quel est le jugement d'Allah sur tel ou tel point. Et à ce moment-là, tu agis sur une connaissance et sur une clairvoyance. Non pas avant, tu ne fais pas l'inverse. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري رحمه الله a fait un chapitre qu'il appela chapitre le savoir avant la parole et l'acte. Avant la parole et l'acte. ثم قال لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, puis demande pardon pour toi-même ainsi que pour les croyants et les croyantes. Donc, ils apprennent, ils ont le savoir et ils mettent en application. Le savoir et la mise en application. Tayyib. Maghdoub alayhim. وضالون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. المغضوب عليهم ceux qui ont couru la colère d'Allah, ce sont les juifs. Et les égarés, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce que les juifs ont le savoir, mais ils n'appliquent pas ce qu'ils savent. Et les chrétiens, ils agissent, mais avec ignorance, sans connaissance. Et donc ils s'égarent. Et le ulama ont dit, et cette règle, elle est de même pour les gens de cette communauté. C'est-à-dire, قالوا, من فسد من علمائنا لم يعمل بعلمه وكل من لم يعمل بعلمه فله شبه بالمغضوب عليه ومن فسد من عبادنا من يعبد الله على جهل وبالبدع والمحدثات ولا يتعلم فله شبه بالنصارى بالضالين. Donc ceux parmi nous qui ont le savoir mais qui sont corrompus, de sorte qu'ils ne mettent pas en application ce qu'ils savent, alors ils ont une ressemblance avec ceux qui ont couru la colère d'Allah. Et ceux qui sont corrompus parmi nos dévots, ceux qui sont dans l'adoration, mais avec ignorance, avec innovation et invention dans la religion, dans le culte, ceux-là ont une ressemblance avec les égarés. Donc, ceux qui sont véritablement sauvés, c'est ceux qui apprennent et qui mettent en application. Ya ayyuha alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Wa qala ta'ala, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Allez-vous ordonner, recommander aux gens le bien, les bonnes actions, tout en vous oubliant vous-même, alors que vous lisez le livre, ne raisonnez-vous pas? C'est illogique. Yallah a réprimandé cette catégorie de personnes. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه الإمام أحمد في المسند. Donc dans ce hadith, le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, un des premiers musulmans de la Mecque, c'est même, il est dit, le sixième qui est entré dans l'islam, radiallahu anhu. Il était petit de taille et il avait les jambes arquées. Et il avait les mollets très fins. Un jour, il est monté sur un palmier ou un arbre et les sahaba regardaient ses mollets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus et il leur a dit, vous êtes étonnés de la finesse de ces mollets? Sachez qu'elles sont plus lourdes sur la balance d'Allah que toute la montagne de Uhud. La grandeur d'Abdullah ibn Mas'ud. Et il dit que c'est le premier qui a récité ouvertement le Coran devant le mouchriquin. Radiallahu anhu. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a dit de lui, Muli'a ilman. Wi'a Muli'a ilman. C'est un récipient plein de savoir. En parlant de Abdullah ibn Mas'ud. Min ulama et sahaba, radiallahu anhu. Parmi les savants des compagnons. Donc, il nous dit qu'un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a tracé sur la terre un trait droit. Et il a dit, voilà le chemin d'Allah. Voilà le chemin d'Allah. Puis, il a tracé sur les côtés de ce chemin des traits à droite et des traits à gauche. Et dans une autre version du hadith, il est dit, six traits à droite et six traits à gauche. Faut dire, ils sont innombrables, les chemins. Donc, sur les côtés du droit chemin. Et donc, lorsqu'il a tracé le premier trait tout droit, il a dit, voilà le chemin d'Allah. Puis, il a tracé des traits à droite et à gauche. Et il a dit, allez, ça, ces chemins, à droite et à gauche, à la tête de chacun de ces chemins, il y a un diable qui y appelle, qui invite les gens à le prendre. Puis, il a récité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, « Et voilà mon chemin droit, suivez-le, et ne suivez pas les autres chemins, car ils vous égareront de son chemin. » En les prenant ces autres chemins, vous ne faites que vous égarer du chemin de la droiture. Et il est unique. Il faut être derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qala ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. L'imam ibn al-Qayyim rahimahullah, un grand imam et un grand savant du 8e siècle du calendrier musulman, un des grands élèves de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu al-jami', a dit وَهَذَا لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْمُوصِلْ إِلَى اللَّهِ وَاحِدٍ. Ceci parce que le chemin qui mène à Allah est unique. Le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Il n'y a qu'un seul chemin. وهو ما بعث الله به رسله. Et c'est le chemin sur lequel a été envoyé, qu'Allah a envoyé les messagers. وأنزل به كتبه. Et pour lequel Allah a révélé ses livres. ولا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. Et nul ne peut l'atteindre si ce n'est par le biais de ce chemin. ولا أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة ولو أتى الناس من كل طريق وَاسْتَفْتَحُوا مِنْ كُلِّ بَابٍ فَالطُّرُقْ عَلَيْهِمْ مَسْدُودَ. Et si les gens viennent de n'importe quel chemin, et ils tapent à la porte de tous ces chemins, eh ben, ils trouveront ces portes fermées. Il والأبواب مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد. Sauf ceux qui prennent, qui entreprennent ce chemin unique. Ceux-là auront la porte ouverte. فإنه متصل بالله. Car c'est un chemin qui est lié à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. موصل إلى الله. Qui mène vers Allah. فكل طريق غير طريق الرسول مسدود. Tout chemin autre que le chemin du messager est fermé. وكل هدي غير هدي الرسول مردود. Et toute voie autre que celle du messager est à rejeter. Elle n'est pas acceptée. Il n'y a que la voie du prophète alayhi salatu wa salam. Et vous le savez souvent dans l'introduction de discours, des prêches, on dit أما بعد فإن خير الكلام كلام الله. Après ceci, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. وفي رواية فإن أصدق الحديث كتاب الله. La plus véridique des paroles, c'est le livre d'Allah. Ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Et la meilleure des voies, et c'est la véritable et la seule voie, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Et attention, mise en garde, contre les inventions. Ici, il est voulu dans le domaine culturel, dans les actions avec lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Interdit d'enlever ou de rajouter. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Car toute invention dans la religion d'Allah, dans le cultuel, dans les bonnes actions avec lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène en enfer. قال محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى le grand savant d'Arabie qui vécut au 12e siècle de l'Égypte رحمه الله أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. Sache que le plus grand des devoirs, la plus grande obligation, l'obligation des obligations pour toi, c'est de connaître ta religion avec laquelle, lorsque tu l'auras mise en pratique, ce sera la cause de ton entrée au paradis. Et l'ignorance de cette religion, et la négligence et le délaissement de cette religion, sera la cause de ton entrée en enfer. C'est ça le devoir de la personne, d'apprendre ce qui le sauvera dans ce bas monde et dans l'au-delà. فرسولullah sallallahu alayhi wa sallam nabiyun la yu'bad wa rasulun la yukazzab. Donc, le messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est un prophète qu'on n'adore pas. Et c'est un messager qu'on ne dément pas. Mais plutôt, on le suit et on lui obéit. Et l'obéissance donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obéissance qui est donnée à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais yuti'ir rasul, faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager obéit à Allah. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ttaqu Allah inna Allah shadidul 'iqab. Mais ce que le messager vous ordonne, accomplissez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, qu'un trouble ne les touche, une discorde ne les touche, ou un châtiment douloureux. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et il n'était pas permis à un croyant, ni à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, de décider d'eux-mêmes. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager ne fait que s'égarer d'un égarement évident. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le chemin lui soit montré et ne suit pas le chemin des croyants, nous le ferons détourner comme il s'est détourné et nous le jetterons dans la géhenne. Et quelle mauvaise demeure. قال عليه الصلاة والسلام كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous tous vous entrerez au paradis sauf celui qui ne veut pas. On a dit: mais qui ne veut pas entrer au paradis au messager d'Allah? Il répondit عليه الصلاة والسلام: celui qui m'obéit entrera au paradis, celui qui me désobéit, c'est qu'il ne l'a pas voulu. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. Je vous ai laissé sur un chemin droit qui est clair de jour comme de nuit, ne s'en égare après moi qu'un homme voué à la perdition. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يلد علي الحوض. J'ai laissé entre vous deux choses. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous y attachez, tant que vous y cramponnez, le livre d'Allah et ma sunna. Et ils ne se sépareront jamais. Le livre d'Allah, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de père. Et ils ne se sépareront jamais jusqu'à qu'il me soit présenté devant Al-Hawd. Qu'il soit présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam devant son fleuve, Yawm al-Qiyamah. طيب والخليفة الراشد الأول الصديق أبو بكر رضي الله عنه le premier calife de l'islam, le grand compagnon, le véridique Abu Bakr رضي الله عنه a dit: lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est mort et qu'il est monté sur le minbar, et il a dit: أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Il dit رضي الله عنه: oh vous les gens, celui qui adore Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort, عليه الصلاة والسلام, et que celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah il est le vivant qui ne meurt pas. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.